Elsevier Springer comme des monstres hein, qui vont se cacher derrière la porte, qui vont vous tuer. Alors déjà, premier établissement, je vous signale que Springer France n'existe plus. Bon. Alors attends. Deuxième rétablissement, aucun article publié dans la revue que je dirige, qui est diffusée par Springer France, et aujourd'hui Springer Macmillan, a été financé par Golden Open Access. Dernier point, l'abonnement est de 115 euros par an, et je pense que la bibliothèque de Sciences Po peut facilement payer 115 euros. J'ai pas écrit dans la revue de synthèse, ou alors tu m'apprends. Non, mais d'accord. Je veux dire par là, n'agit-on pas des grands méchants loups qui n'existent pas? Parce qu'accessoirement, c'est avec ces véhicules qu'on met sur la table des universités, en l'occurrence près de 7300 universités dans le monde, les publications qui sont produites en langue française ici à Paris. Et dans d'autres lieux de parler français. Philippe Domas avait demandé la parole. Oui, donc Philippe Domas, je représente la rédaction de la revue Les Cahiers d'Histoire. Je précise que c'est une revue relativement modeste en termes de lectorat, puisque nous avons 250 abonnés, environ, ça, sur l'autre ça fluctue très légèrement. Je voulais faire une remarque et puis poser une question. La remarque, c'est sur cette sempiternelle opposition entre la publication papier et la publication en ligne qu'on invoque toujours pour susciter une grande peur, notamment chez les responsables de revues, en leur disant « Attention, si vous vous mettez en ligne gratuitement, immédiatement, c'est fini, vous ne vendrez plus de papier. » Bon, et donc votre revue va couler. Bon, je voudrais simplement livrer une information qui peut faire réfléchir sur ce problème-là, celle des cahiers d'histoire, puisque nous sommes une revue qui existe depuis assez longtemps, qui est dans le portail revue.org depuis l'année 2009, et avec un délai de rétention de 3 ans au départ pour les articles, lequel délai a été supprimé à partir du 1er janvier 2014, puisque nous avons adhéré au programme Open Edition Freemium qui était proposé par le CLEO, qui implique une mise en ligne immédiate et libre de la revue dès sa parution. Alors, je voudrais simplement dire que depuis que nous sommes dans ce programme et que notre revue est mise en ligne de manière gratuite et immédiate, nous n'avons pas perdu d'abonnement papier. Nous sommes toujours autour de 250, ça fluctue, mais il n'y a pas donc d'assassinat de la revue papier par la mise en ligne immédiate. Je voulais préciser, parce que, encore une fois, on n'est pas, comme l'a expliqué Claire Lemercier, avec le programme Open Edition Freemium, on donnera la gratuité, puisque les bibliothèques, les sociétés savantes, les organismes divers payent pour adhérer à ce programme. Le CLEO reverse 2/3 de ce qui est payé aux revues, au prorata de la fréquentation et des connexions. Pour une revue comme la nôtre, les chiffres ne sont pas secrets. Sur l'année 2014, ça nous a rapporté un petit peu moins de 2000 euros. Pour une revue comme la nôtre, dont l'abonnement est à 50 euros et qui a 250 abonnés, 2000 euros, ça équivaut à 40 abonnements. Bon, nous avons gagné, entre guillemets, l'équivalent de 40 abonnements grâce au programme Open Edition Freemium. Par ailleurs, nous n'avons pas perdu d'abonnement papier. Donc le bilan est totalement positif. Et quand j'entends des gens se dire « Ah, mais si on se met en ligne, la revue papier va disparaître », ça me laisse un peu perplexe. Je me dis qu'on joue peut-être un petit peu à se faire peur là et qu'il y a peut-être un danger un peu imaginaire. Alors, tout ça, je le dis en quelques mots, mais tout ça a été réfléchi avec tous les tenants, les aboutissants, et notamment avec un contact avec les équipes du CLEO, dont je veux dire qu'elles sont très dévouées et efficaces, et il faut leur rendre hommage de ce point de vue-là. Alors, en revanche, je me pose une question, et je la soumets à l'assistance. C'est que, au vu de ce qui a été dit par les divers intervenants, dont deux représentent des revues plus conséquentes, entre guillemets, que la nôtre, puisque des tirages plus importants, un nombre d'abonnés plus important, je me demande s'il n'y a pas effectivement une différence d'approche et une différence de bilan possible de l'adhésion à un programme comme Open Edition Freemium selon qu'on est une, entre guillemets, une grande ou une petite revue en termes, quoique le seuil est difficile à fixer. Bon, puis tout ça, ça fluctue aussi pas mal. C'est vrai que se dire, ah ben j'ai gagné 2000 euros, et pour moi, c'est vraiment une aubaine. Effectivement, pour une petite revue, ça paraît évident. Pour une grosse, peut-être pas. On pourrait nous dire, bah, 2000 euros, mais ça, je vais pas loin, donc je m'en fiche un peu. Encore que j'ai une logique un peu simpliste qui consisterait à croire que les grandes revues sont a priori dans une économie plus confortable que les petites, qui sont toujours un peu sur la corde raide. Mais ça me paraît pas très logique que la différence se fasse dans ce sens-là. Et je voudrais savoir s'il y a d'autres expériences ou des points de vue là-dessus, sur la différence d'approche du problème en fonction de la taille de la revue. Je te réponds en quelques mots. Marc Mignon a demandé la parole, je lui donne tout de suite. On attend un peu, tu vas voir. Je m'explique. Le passage au numérique signifie inéluctablement une réduction de ton nombre d'abonnés papier. Non, ça n'est. Les études, en sens, disent le contraire. Attends. D'abord, sur l'expérience que, aussi bien les annales que nous, on a vues, à savoir, à partir du moment où tu es disponible sous une forme électronique, tu as un certain nombre d'institutions qui considèrent qu'elles souscrivent à l'électronique, elles ne vont pas souscrire au papier. Et or, donc, la question demeure posée, est-ce que tes revenus freemium... Les miens, déjà. Bon, attends, si je peux terminer. La question posée, c'est quel est les revenus freemium représentent l'équivalent de 40 abonnés, dis-tu. Et sur tes 250, mon pari négatif, c'est que dans 3 ans, tu auras perdu plus de 40 abonnés papier. Tout simplement, mais c'est peut-être lié aussi à la composition de tes abonnés. Tu as des abonnés papier qui sont des militants, pour beaucoup, et qui ne sont pas forcément des fous de l'électronique. Mais si tu as une part importante d'abonnés institutionnels, je suis prêt à prendre les paris. J'espère que l'histoire me démentira, mais d'autre part, tu nous parles d'un modèle militant aussi de la part des acteurs de la revue, c'est-à-dire est-ce que le fonctionnement même de la revue, si les recettes viennent à baisser, n'est pas menacé? Ça veut dire par exemple moins de traductions, ça veut dire des qualités de préparation, d'illustration que tu peux mettre et tout, qui seront moindres. Notre expérience à nous, c'est que les abonnés individuels ont régressé à partir du moment où il y avait l'accès électronique disponible. Et donc, nous sommes dans l'équation. À partir du moment où le lecteur abonné individuel renonce à l'abonnement papier parce que son unité de recherche, son université, sa bibliothèque universitaire lui offre l'accès électronique à domicile, ça veut dire que soit on trouve les moyens que économiquement les abonnements électroniques compensent cette perte, soit il faut trouver d'autres ressources. On peut répondre aussi aux gens ou c'est juste toi? Vas-y. Je donne la parole à Martino après, mais si tu veux. Géographiquement. Ça risque d'être un peu long à chaque fois. Bon, si tu as un truc à dire, dis-le maintenant. Et puis... moi, j'attendais sagement aussi pour répondre à François Gaz et tout ça. Bon, d'accord, tu as raison, procédons de façon plus ordonnée. Donc, on prend encore 3 interventions et puis après, la parole revient à la tribune. Ça te va? Ok. On fait comme tu veux, tant que c'est pas juste toi. J'ai bien compris. Tu as raison. J'aurais bien voulu répondre à ce que tu viens de dire aussi. Alors, Mignon, Domas. Excusez-moi, j'aurais dû me retenir. Pardon. Je plaide coupable. Marc Mignon. Non, mais en gros, bon, nous, à Cairn, on a quand même un poste d'observation relativement privilégié sur ce qui se passe dans l'univers des revues francophones et particulièrement, à mon avis, les revues les mieux référencées. Deux tiers des revues françaises référencées sur Scopus, en sciences humaines et sociales, en ligne, qui sont en ligne sur Cairn. il y a plus de 50% des rues qui avaient été référencées par l'ARS qui sont en ligne et qui sont sur Cairn. Donc je pense qu'on a quand même un petit poste d'observation. Et à partir de ce poste d'observation, je dois dire que je ne peux que conforter à la fois ce que tu dis et ce qu'Étienne a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce serait une erreur, à mon avis, de penser cette question de l'open access comme si elle se passait dans un contexte favorable. Le problème, c'est qu'elle se passe dans un contexte sinistré. On vient de mener, nous, une étude avec l'IDAT auprès d'un échantillon de revues que nous diffusons. Sur la période 2011-2014, ces revues ont perdu 15% de leur chiffre d'affaires. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que, alors que le discours général dans un certain nombre de milieux, c'est de dire le prix scandaleux des licences, des éditeurs qui étranglent à la gorge les bibliothèques, la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, la croissance des revenus numériques, comme vous l'avez dit, ne réussit pas à compenser la décroissance des revenus papier. Je prends simplement, si vous me permettez, je vous fais la lecture de trois livres. Je vous fais la lecture de trois livres. Couperin, ça provient d'une lettre de cadrage de Couperin. Couperin étant donc, comme vous le savez, le consortium des bibliothèques universitaires françaises. Couperin a réalisé en novembre 2014 une enquête auprès de ses membres concernant l'évolution probable de leur budget en 2015. On n'a pas encore les résultats définitifs 2015. Je vous passe. La moyenne générale des diminutions annoncées est de moins 7,8%, avec des baisses allant de moins 3 à moins 20%. De moins 3 à moins 20%. Tout discipline confondue. Et je vous laisse deviner. Quand un bibliothécaire doit faire un arbitrage dans une situation de contrainte de ses budgets entre les dépenses en SHS et les dépenses en sciences du vivant et en sciences dures, au détriment de quelle discipline il effectue ses arbitrages et au profit de quelle discipline, ou quelle discipline il essaye de protéger. Donc, Étienne, à mon avis, c'est une erreur de croire que ce seraient les bouquets qui empêcheraient de vendre à leur juste prix la version électronique des revues. Le problème, c'est que dans l'espace linguistique francophone, et particulièrement en France, il y a un scandale, à mon avis, qu'on ne dénonce pas assez, qui est la baisse d'année en année, continue maintenant depuis 5 ans, du budget des bibliothèques universitaires. Si la situation était différente, il serait possible d'imaginer votre modèle. Mais dans cette situation, effectivement, vous pouvez rire, M. Tornin, mais c'est ça la situation. Je signale juste qu'on n'était pas du tout dans une situation française, mais une situation. C'est pire ailleurs. Très bien pire ailleurs. Je suis désolé. Nous, l'année dernière, pour vous donner un chiffre, en Afrique du Nord, on a vendu en Afrique du Nord plus d'e-books que dans l'ensemble des bibliothèques universitaires francophones d'Europe. Voilà, en fait, la situation aujourd'hui. Oui, mais ils n'ont pas de papier. Cette situation, si vous permettez, ils n'ont pas est occultée par tous ceux qui disent, en fait, les publications scientifiques, ça n'a plus aucune valeur. Et effectivement, quand les universités n'ayant plus d'argent, elles entendent à gauche, à droite, les publications scientifiques, ça n'a plus de valeur, les éditeurs sont des voleurs, effectivement, sur quoi porte l'effort ? Sur le budget des bibliothèques. J'ai oublié qui avait demandé la parole après. Je voudrais très concret pour une question bête, très précise. Dites votre nom pour le. Que voudrait faire le CERN pour moraliser, je sais pas, le milieu, par exemple, pour l'article qui a été publié il y a 2 mois dans la revue Société, qui était info, qui a passé allègrement la barre. La comité de lecture, est-ce que le CERN pense qu'une revue comme celle-ci doit sortir du consortium des revues scientifiques, qui serait de bonne moralité, quand même, en tout cas de bonne pratique scientifique, ou non ? Quelle est votre position en tant que CERN sur cette question ? D'une part, je ne pense pas que cette revue n'aurait pas pu, ou que le cas de figure qui a été présenté n'aurait pas pu voir le jour dans une revue sur un autre portail, dans une revue en open access ou dans une revue en freemium. Je pense que prendre effectivement le cas de cette revue qui effectivement montre qu'il y a eu de toute évidence des dysfonctionnements dans le processus d'évaluation. Je veux dire, ça ne... D'une part, je ne suis pas sûr que ça handicape l'ensemble de la production en sociologie, et d'autre part, ça ne me semble pas du tout mettre en cause la légalité qui consiste à commercialiser des publications scientifiques au profit d'un modèle qui consisterait à diffuser gratuitement. Il est évident que c'est exactement l'inverse. C'est aujourd'hui les revues en open access, quand il y a des problèmes de qualité, aujourd'hui, à mon avis, surtout quand il s'agit de modèles auteur-payeur, le risque de dérive point de vue qualité est plus important que dans le domaine que en ce qui concerne le modèle ancien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, je sais pas, des dysfonctionnements dans le modèle ancien, mais que ce n'est pas parce qu'il y a un article qui a réussi à passer. Vous savez combien il y a d'articles sur Kern? Mais j'en veux pas un Kern. Comment le Kern va réagir pour cette revue très précisément, qui visiblement a passé quelque chose qu'on n'aurait jamais fait. Si vous voulez vous ériger un parangon de la morale, il y a quand même cette question-là qui doit se poser à vous. Mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des comités scientifiques qui sélectionnent les articles, ou qui disent les sélectionner. Ça fonctionne comme ça sur public.org, ça fonctionne comme ça sur Kern, ça fonctionne comme ça sur tous les portails de revues. Certains le font bien, d'autres le font moins bien. Si, que se serait-il passé? D'une part, il est clair que nous n'avons ni l'occasion, ni les connaissances, ni les compétences pour repasser avec un deuxième processus d'évaluation derrière chaque article de revue, en fait, pour savoir si elle a lieu d'être diffusée sur Kern ou pas. Donc nous, effectivement, ce qu'on doit faire, et je pense que nos collègues de revue.org font exactement la même chose, c'est faire confiance au comité de rédaction pour savoir si, si jamais il s'était passé un seul cas depuis les 10 ans que c'est existant, où Kern se serait permis d'interdire, d'empêcher la publication d'un article qui aurait été sélectionné par un comité de rédaction de revue. Qui aurait été ceux qui auraient hurlé? Exactement ceux qui nous ont reproché de diffuser ce que le comité de rédaction avait sélectionné. Donc, Philippe Domas voulait répondre à la réponse que je n'aurais pas dû faire tout à l'heure. Vas-y. Très rapidement. Bon, juste une petite remarque, je voulais quand même te dire, je trouve quand même intellectuellement contrariant le fait que tu opposes à des données concrètes, à une expérience réalisée, mesurée et analysée, une projection dans l'avenir. Je te dis, en un an et demi, nous n'avons pas perdu d'abonnement, et tu me réponds, ah oui, mais je parie que dans d'ici 3 ans, tu en auras perdu. Je trouve pas ça très sérieux. Excuse-moi de te le dire. Bon, rien ne permet de le dire. Je voudrais juste te livrer, pas seulement à toi, à l'assistance, un propos qui m'a été tenu récemment par un des animateurs du Cléo, justement sur ce bilan positif que nous, les cahiers d'histoire, faisions de notre expérience. Nous avons été tentés de croire que le développement de notre audience sur Internet avait peut-être contribué à alimenter et à stimuler même, ou tout au moins à maintenir la revue papier. Parce que c'est vrai que nous sommes partis en 2009 à environ 250 visites par jour sur le site, nous sommes à 1300 en moyenne aujourd'hui, visites par jour. Bon. Donc c'est, pour nous c'est intéressant. Bon. Nous pensions qu'il y avait une relation de cause à effet. Et en fait, donc cet animateur du Cléo nous a dit, il n'y a pas que ça à prendre en compte. Et il y a aussi un problème de comportement, de dynamisme, de politique, de communication de la revue qui est intégrée dans tout ça. Et c'est pour ça que je me demande si on n'a pas tendance trop à se focaliser sur justement l'Internet, sur la mise en ligne, pour expliquer les pertes d'audience de la revue. Est-ce qu'il n'y a que ça qui intervient? Bon, le responsable du Cléo en question nous a dit « Votre revue, elle a pas seulement un certain succès sur Internet, elle a aussi un dynamisme par ailleurs. C'est vrai qu'on participe à un tas de choses, on est très présent sur tout un tas de manifestations publiques, avec des tables, avec des intervenants, on organise des débats, des projets de production de films, on organise des rencontres en liaison avec les universités populaires, on fait un tas de trucs. C'est une revue qui s'agite beaucoup et qui prend beaucoup d'initiatives. Et donc l'idée c'était que finalement, quand il y a un certain dynamisme de la revue, le passage par Internet stimule, crée un effet de stimulation qui fait que finalement la revue globalement va bien se porter aussi bien sur l'Internet que dans ses abonnements et ses ventes papier. Voilà, alors c'est du coup ça amène peut-être à relativiser l'importance de cette antinomie entre l'édition en ligne et l'édition papier. C'est peut-être pas le seul facteur d'explication, et c'est peut-être pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Il y a un tas d'autres paramètres à prendre. Je vais vous demander de faire des interventions un peu plus brèves. J'ai comme inscrit Éric Briand, Claire Lemercier, Étienne Anaï, Patrick Prédenceau, Didier. Moi, je disais qu'il y a rien à dire, tout le monde à la tribune ensemble à un moment, quoi. Bon. Peut-être du coup tu peux encore s'il y a quelques questions. Alors d'accord. Après j'ai Jean-Paul et puis attends il y avait Mademoiselle. Anaïs Abel. Oui pardon. C'est juste. Ok donc vous êtes 6. Alors on y va brièvement. Allez au cœur de votre propos. Éric. Éric Briand. Revue de synthèse. Je m'occupe de la revue de synthèse et il y a quelques années j'ai eu le bonheur d'avoir des responsabilités comparables à celles qui ont été indiquées tout à l'heure. On a parlé de modèle économique. Quel est l'agent économique? Dans le financement, est-ce que ce sont les revues? Est-ce que ce sont les éditeurs? Moi, je dois dire que depuis 90 que je m'occupe de cette revue, différents éditeurs, et à chaque fois, ça a été des mises au point très délicates. Avec Alba Michel, avec les étudiants d'Arendule, avec Funger ensuite. Et je dois dire que mon horizon s'est dégagé le jour où j'ai trouvé un véritable agent économique, Springer, qui agissait comme un agent économique. Avec qui j'étais là comme content provider. Ce qui répond à votre question. C'est-à-dire que si, comme content provider, je suis défaillant, je suis viré. Mais après, derrière, Springer lance l'artillerie lourde, notamment le moteur de recherche, etc. Autant de choses qui est très coûteux à développer. Je pense que Marc Milan qui dira que ça coûte très très cher de faire tourner tout ça. Donc il y a un deal entre un agent économique qui est sur un marché compétitif d'édition et un agent qui travaille dans un autre marché, un marché de biens symboliques, c'est-à-dire en l'occurrence la marque Revue de Synthèse, qui est garanti, on ose espérer, par le nom du comité de rédaction, et qui fait que des bibliothèques un peu partout dans le monde vont vouloir s'abonner malgré son directeur. Bon, donc ça, vous voyez, je pense que c'est une chose qu'il faut distinguer, et j'avais fait un petit article à un moment dans la revue, justement, à ce sujet, en disant, il faut distinguer ces deux marchés. Tant qu'on ne les a pas distingués, on est dans la confusion, et on prend des décisions, et j'espère... excusez-moi, je vois très mal, hein, ma vue est très mauvaise. François Geste doit être quelque part par là. Ah, je vous prie, excusez-moi. Donc, je ne sais pas quel rapport va remonter, là, mais j'espère que la distinction sera faite. Parce que là, leur jeu, c'est vraiment la survie. Parce que soyons clairs, moi j'en ai eu en face de moi, quand j'étais dans des fonctions comparables aux vôtres sous un autre gouvernement, j'ai eu face à moi des hauts fonctionnaires dont l'obéissance n'était franchement pas celle en vigueur aujourd'hui, qui disait, de toute façon, toutes ces revues, il y en a trop, ça coûte trop cher, il faut réduire tout ça. Pourquoi? Parce que tout ça fait de la pensée gauchiste, etc. Donc, la production bien symbolique, je suis très attaché. C'est aussi pour ça, mon pauvre Marc Linon, je suis désolé. Je ne suis pas pour l'entreprise. Ah bon? Oui, mais excusez-moi, je suis déficient visuellement. Non, c'est pour moi que c'est des soucis. Non, je ne suis pas pour le bantoustan franchouillard, pour le béret basque et la baguette du penseur germano-pratin. Si on vend ça internationalement, on est mort. La revue que je dirige faisait au maximum 900 abonnés et en vente au numéro quand on était hors Springer. Elle en fait 9000 après Springer, 10 fois plus. Le marché qu'on a devant nous, en langue française, il est de 9000 abonnements, dont la plupart sont aux États-Unis et surtout en Asie. En Asie, c'est stupéfiant. Et les ventes d'abonnements aux États-Unis chutent. Hein, c'est comme dans et pour moi, c'est très important que les bibliothèques asiatiques lisent en français les travaux qui se font maintenant pour la diffusion de notre langue future. Alors, je vais dire une vacherie, je suis désolé. Mais il y a quand même un problème de conflit d'intérêts entre les différentes parties prenantes. Parce qu'il y a des contrats entre le CNRS, j'ai participé moi-même à la direction scientifique en question, Kern, Cléo, les éditeurs. Ce qui fait que quand aujourd'hui un directeur scientifique, je ne vais pas taper sur le directeur adjoint scientifique, mais un directeur scientifique donne une subvention ou un poste à une revue et pas à l'autre, en utilisant comme critère le fait que cette revue se trouve sur tel ou tel portail, il est en situation de conflit d'intérêts. Si on était dans n'importe quel pays anglo-saxon, il y aurait un procès et ça tournerait très mal. Pour ma part, je n'ai pas l'esprit procédurier. Il faut conclure, Eric. Là, j'ai un dernier point. Ça tient ici, en un mot. Vas-y. C'est que aujourd'hui, la dépense publique sur nos affaires, ça ne passe pas par les institutions qui existaient jusqu'à avant-hier. L'échelle des communes, à mon sens, est une échelle qui doit être explorée. Pourquoi ? Parce que les communes ont besoin de visibilité. Et les revues leur offrent une visibilité. Donc nous avons quelque chose à leur proposer. D'ailleurs, le CNRS est présent, excusez-moi de m'immiscer dans certaines de vos prérogatives, dans la plupart de ces communes. Donc il peut très bien y avoir un accord entre ces communes et le CNRS, basé sur, justement, la contribution commune à la diffusion des revues, aux moyens nécessaires pour les revues. Et en contrepartie, ça offre de la visibilité assez commune. Je vous remercie de votre attention. Patrick Fridençon. Alors, je voudrais faire une intervention essentiellement descriptive, parce qu'il y a un certain nombre de points que j'ai peu entendus. Et je ne reviendrai que sur un des points qui sont dans le débat. Mais premier point, je pense qu'il y a une question qui est sur la nature des revues de SHS. Et ces revues de SHS ne sont pas uniquement des revues qui font le recueil de la production scientifique ou la certification de la qualité. Je pense que les revues de SHS ont un rôle d'une part de création de la production scientifique, et ça c'est apparu dans de nombreuses études, en cherchant des thèmes, en inventant des thèmes, en allant chercher des auteurs, et là je signerai volontiers ce qui a été dit par le représentant des cahiers d'histoire, en allant intervenir dans la cité comme vous le faites, comme les annales le font à la BNF, mais donc la revue de SHS, mon point de vue, c'est que par rapport à la communauté scientifique d'une part et par rapport à la cité, elle a un rôle qui est beaucoup plus grand qu'on ne l'a dit jusqu'à présent dans ce débat. Et ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que j'étais extraordinairement surpris qu'on ait parlé si peu de Google Scholar, première mention par Claire Lemercier à 16h10, et très peu aussi de Google, et très peu aussi de Google, alors que non seulement la citoyenne moyenne, le citoyen moyen, mais le scientifique d'autres pays que la France va passer massivement par Google et Google Scholar. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a un acteur qui n'est ni Bruxelles, ni les monstres anglo-néerlandais, ni les éditeurs français, qui est complètement sous-estimé dans la discussion, et que nos usages scientifiques, tels qu'ils ont été écrits, décrits ici, sont très retardataires. Ils sont retardataires qualitativement pour détecter des informations non connues, et ils sont retardataires quantitativement parce que Google Scholar permet des quantités d'usages que nous n'avons pas et que nous ne défendons pas. Troisième point, sur la question des rapports entre numérique et abonnement. Moi, je suis un partisan convaincu de tous les usages et tous les développements possibles du numérique. Mais enfin, regardons ce qui se passe aux États-Unis, puisque ça a été le point de référence de l'exposé de Didier Tormy. Une revue que j'ai précédemment animée est sur Project News. Project News, c'est un des deux grands portails de SHS aux États-Unis. Quand je dis de SHS, j'ai tort de le dire parce que JSTOR n'est pas limité au SHS. Mais sur Project News, quand on vous accède sur Project News, on vous avait une garantie sur 3 ans qu'on vous remboursera la baisse des abonnements papier. Et ça, c'est la preuve que ça se passe. Et cette disposition, elle est toujours en vigueur. C'est quelque chose qui est complètement anticipé. Pour qu'il n'y ait pas baisse des abonnements papier, ça suppose qu'un certain nombre d'éditeurs, que ce soit des grands, des petits, que ce soit des éditeurs associatifs, considèrent qu'ils ont aussi une mission en matière d'abonnement papier et qu'ils ne sont pas uniquement sur les 200 abonnements résiduels qui serviront à protéger les choses pour notamment le moment où le numérique aura atteint ses limites. Donc, autant j'ai toujours vécu et bien vécu, et je continue à vivre en entreprise d'histoire avec des éditeurs privés, autant je pense que les éditeurs privés sous-estiment une partie de leur mission en matière de diffusion des contenus, des connaissances, et que ça ne passe pas uniquement par le numérique. Dernier élément, on est quand même bien devant une question de fait. Et la question de fait, c'est qu'il va y avoir, et c'est là que je reprends position, il va y avoir forcément une loi numérique. Je suis personnellement incapable de dire quand elle aura lieu, parce que je ne pense pas que ce soit quelque chose de très électoralement rentable dans une conjoncture qui est maintenant complètement dominée en France, non pas par la relation avec Bruxelles, mais par l'approche de l'élection présidentielle. Mais il faudra bien que les revues, et si possible l'ensemble des revues, prennent position sur la suite donnée à la recommandation bruxelloise. Il vaudrait mieux, je l'ai dit souvent, que ce soit non seulement une position française, mais qu'il y ait des discussions entre les revues européennes. Post-scriptum, que j'avais oublié dans ma présentation. Vous regardez les portails américains, vous regardez les portails français, ce ne sont plus uniquement des portails de revues. Et là, je trouve que c'est aussi, comme Google, un point qui a été complètement occulté dans la discussion. Mais vous regardez Open Edition, vous regardez Cairn, vous regardez Project News, vous regardez JSTOR, tous ces portails sont de plus en plus des portails d'édition électronique. Et soit d'édition électronique pure, et les presses universitaires américaines, devant la crise du modèle classique des presses universitaires américaines, font de plus en plus d'édition électronique pure, soit du modèle bimédia. Donc, ce que je veux dire, on n'est plus devant des portails de revues, on est devant des portails qui sont multitâches et qui relèveraient, si je me permettais ce propos, des théories diffusées par Jean Tirole, que je ne cite pas habituellement, sur les marchés à multiples versants, et c'est ça que nous devons affronter. Et donc, bien sûr, ayant les revues en perspective, mais regardant des usages, des productions et des vecteurs qui changent complètement. Merci. Anaïs Sandberg. Oui, merci. Moi, je suis aussi membre de la revue Tracé avec Guillaume Calafat-Kenard. J'ai une remarque et une question brève. La première remarque, c'est que j'ai été assez surprise quand vous avez dit que, alors, dans le modèle économique, enfin, Étienne et Anaïs et Claire Mercier, il me semble qu'on en a parlé tous les deux, que notre modèle repose sur des subventions publiques, ça on est d'accord, et sur le bénévolat des chercheurs. Moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas des chercheurs bénévoles, puisqu'on Merci. Est des chercheurs, et que dans notre travail de chercheur, entre un financement public. Mais tout c'est une connerie en tant que chercheur. En tout cas, en tout cas, il faudrait peut-être définir du coup qu'est-ce qui relève des tâches d'un chercheur dans le modèle d'enseignant-chercheur, et définir si. Faire partie d'un comité de rédaction en fait partie, mais moi, il me semblait que ça pouvait en faire partie. Après, pour le coup, à Tracé, on a des vrais bénévoles. Je pense qu'on a des gens qui ne sont pas des enseignants-chercheurs. Des professeurs du secondaire, par exemple, qui peuvent être en dehors du monde de l'université et qui, eux, le font de manière, pour le coup, réellement bénévole. Et je ne sais pas si c'est d'ailleurs fréquent ou pas, cette configuration. Oui, évidemment, il y a aussi les profits symboliques que vous avez évoqués, mais là, je parlais même des revenus économiques et de savoir pourquoi on est payé en tant qu'enseignant-chercheur. Et ma deuxième question, c'est, enfin là, pour le coup, c'est une question et ce n'est pas une remarque, c'est qu'on a beaucoup parlé là de ce que fait l'édition numérique à un pool de revues existants, donc sur un effet un peu statique. Il y a les revues qui existent et elles sont affectées par l'édition numérique. Étienne Anna m'a un peu parlé du fait que, enfin, je me demandais ce que ça pouvait faire en dynamique, c'est-à-dire ça. Vous avez parlé à la fois du fait que ça pouvait faire supprimer ou disparaître des revues, enfin, ça pouvait affecter en faisant disparaître des revues. Et moi, je me demandais, peut-être parce qu'on est une jeune revue et qu'on se souvient encore ce que c'est la création, qu'est-ce que ça fait aussi sur la création des revues? Est-ce que c'est un modèle qui favorise ou qui handicape? J'avoue que je ne sais pas vraiment, c'est une vraie question, mais je ne sais pas si Tracé aurait pu, par exemple, se créer dans un modèle entièrement numérique. Et je pense qu'il. Enfin, voilà, c'est juste une question de comment on peut permettre de créer des revues. Merci. Jean-Paul Barrière et Christophe Diomède. Oui, une intervention assez brève. En fait, je suis directeur des presses universitaires de Franche-Comté, donc en fait, on héberge 6 revues. Donc, c'est un système complexe et je vois les choses évoluer depuis 3 ans. Enfin, c'est une revue de maths, 2 revues de linguistique, une revue d'histoire archéo et puis une revue d'études théâtrales, pour situer un petit peu. Donc, pas uniquement SHS. Et en fait, bon, bien sûr, les revues ne tiennent que parce qu'il y a du personnel qui est affecté avec X0000%, évidemment, pour mettre en page, pour s'occuper de la question des droits, gérer les questions de finances, évidemment, tout ce qui est petites recettes, bon, maintenant, enfin, tout ça, évidemment, passe en un site, précise aussi, et on a du personnel sur ressources propres. Donc, elles ne tiennent que dans un ensemble. Ça c'est évident. Et les revues ont une autre fonction qu'on n'a pas trop vue, alors qui est peut-être archaïque, on pourra trouver ça archaïque, et en particulier pour les abonnements papier, ce sont les échanges. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'exemplaires, là pour vous donner un ordre de grandeur, 50 à 60 exemplaires qui partent dans des laboratoires, des bibliothèques à l'étranger, Amérique latine, Afrique du Nord, etc., avec des échanges gratuits, avec d'autres laboratoires, pour créer des bibliothèques et alimenter des bibliothèques de recherche spécialisées, certes, par exemple à l'histoire ancienne. Voilà. Donc, c'est totalement. S'il n'y avait pas d'abonnement, évidemment, le système ne fonctionnerait pas, mais en même temps, on voit très bien ce que ça peut apporter à la diffusion de la science. Pour des étudiants qui n'y auraient pas accès parce que ces revues-là ne sont pas sur des portails divers et variés. Donc, c'est un ensemble. Et là, dans le modèle freemium, si j'aurais une question quand même qui m'inquiète un petit peu, c'est cette baisse considérable. On va encore prendre 15 à 20%, à mon avis, l'an prochain, des crédits des bibliothèques universitaires. Nous, en tout cas, c'est comme ça que ça se situe à Besançon. Hein, tout de suite. Donc, il est clair que, est-ce que le système freemium va pouvoir perdurer dans ce cadre-là, ou est-ce que, petit à petit, ce qui était tout à fait... rationnel, etc., risque de ne pas ne plus l'être. Et je précise aussi qu'on est à la fois sur Cairn et sur Revue.org, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'était à mon avis un point important, mais je constate quand même, alors là je reviens juste à une troisième remarque, mais, puisque je me suis occupé de la question des revues, en fait à des livres de revues, on a réfléchi dessus pendant plusieurs années, je ne m'y suis plus, je n'en occupe plus, ce n'est pas le problème, mais je crois, en voyant les exigences et de Revue.org et du Cairn, etc., et petit à petit monter la qualité de toute une série de revues, parce que on est plus exigeant. Ça me paraît assez évident. Et je crois que quand même ça, c'est relativement rapide et c'est je crois assez important. À signaler, il ne faut pas non plus se couvrir de cendres. Je crois que vraiment, en termes même de PAO, etc., on est plus pro. Voilà. Régal. Mettre l'accent un peu là-dessus. Christophe Diarel. Oui, moi je voulais. À travers le débat, il me semble qu'il y a une série d'oppositions peut-être un peu trop tranchées sur lesquelles il faut réfléchir. La première, c'est l'opposition entre la mise en ligne et le papier, je crois qu'elle n'existe plus. Elle a pu exister d'une manière peut-être un peu théologique. Elle n'existe plus. D'ailleurs, comme observateur des débats depuis quelques années, les modèles ont tendance quand même à se rapprocher, en tout cas en France. Je crois que c'est pas sur leur opposition qu'il faut réfléchir, c'est bien sur leur articulation. Et l'articulation n'est pas la même suivant les situations des revues. Et donc, plutôt que présenter la question d'une sorte d'alternative, il faut plutôt réfléchir à la manière de trouver un modèle qui convienne à tout le monde. Et en particulier, ça vient d'être dit, et je crois que c'est important, il y a une différence forte entre les revues qui se créent et les revues qui ont un patrimoine et pour lequel se pose le problème de la digitalisation, de la mise en ligne de celle qui revient évidemment tout simplement beaucoup plus cher. Mais le patrimoine d'une revue n'est pas qu'un morceau, qui n'est pas qu'un monceau de papier, c'est un patrimoine intellectuel, je crois particulièrement dans nos disciplines, c'est important. La deuxième opposition sur laquelle j'ai quelques doutes, c'est l'opposition faite, et en grande partie légitime, entre les sciences humaines et sociales et les autres sciences. Et là aussi, entre des mathématiciens et des gens qui travaillent en recherche pharmacologique, la différence est monstrueuse, les enjeux financiers sont énormes, le rapport au patrimoine intellectuel n'est pas le même, les mathématiciens travaillent toujours sur des problèmes posés au XVIIe, eux comprennent la nécessité d'avoir une bibliothèque, et je crois que là encore, il faut faire attention aux distinctions entre les choses et ne pas courir ou au contraire repousser un modèle défini de manière trop rapide. Et la troisième distinction qui peut-être parcourt les choses et nourrit une sorte de mentalité de forteresse assiégée, c'est pas uniquement la France contre un modèle anglo-saxon, lui aussi souvent trop globalisé. Je ne dis pas que c'est ce qui a été fait ici, mais c'est très souvent fait. Je voudrais rappeler qu'il y a d'autres pays. Que le pays qui, en Europe et de loin, consacre le plus d'argent, le plus de personnel à la recherche dans tous les domaines, c'est l'Allemagne. Que l'Allemagne est très, très, très loin d'être à 2 mm de la réalisation de la fameuse recommandation européenne, et que dans un débat franco-français, on ferait peut-être bien de rappeler qu'avant de l'appliquer, il faudrait peut-être veiller à ce que d'autres pays plus massifs l'appliquent également. Ce n'est pas le cas du tout. L'idée d'avoir un Kern allemand à titre personnel qui travaille sur l'Allemagne me réjouirait au-delà de toute expression. Ce n'est pas le cas. On est dans un modèle où soit les choses sont dans les bibliothèques et le reste, et les bibliothèques gardent leur budget, et il n'est pas question de mettre ça en ligne, ou dans un modèle où les éditeurs qui dominent les revues font payer très cher l'article pièce à pièce. On n'est pas du tout dans le même modèle. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est un modèle différent, c'est un modèle voisin, et très voisin, c'est un modèle lourd, et que quand on parle d'Europe, on devrait aussi réfléchir au moins autant qu'à l'Angleterre, ne serait-ce que pragmatiquement, peut-être qu'elle y sera bientôt plus, ne serait-ce qu'au moins autant qu'à l'Angleterre, à ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne, et ce qui se passe peut-être surtout en Allemagne, surtout parce que c'est quand même là que c'est le plus gros. Voilà, c'était juste trois incitations à nuancer certaines oppositions un peu rapides. Bien, l'heure tourne, donc c'est le moment, je crois, que les gens qui sont à la tribune reprennent un certain nombre des choses qui ont été dites dans l'ordre que vous voulez. Didier Torny. Alors, les deux Didier Torny vont répondre. Alors, d'abord... Attention au dédoublement de personnel. Non, mais je vais essayer de faire le plus vite possible. J'ai 8 points, mais donc je vais faire très court sur chaque. Alors, d'abord, il faut bien saisir que... Je vais faire l'historien, c'est très bizarre pour moi ici, donc vous avez le droit de me taper dessus. La bulle des SHS a existé. Sur un modèle papier. Michel Foucault. Lire Gilles Deleuze en première année. Alors, on ne comprend rien, mais c'est pas grave. C'est tellement classieux, ça permet d'attirer les filles ou les mecs sur ce qu'on veut chercher. Tout ça. Bon, là, on est en 72-75. C'est terminé, ça. Et ce qu'on voit sur les revues, c'est le même type de choses. Sur les grandes revues installées, c'est le même type de choses. On est revenu à des formes économiques, et là je parle vraiment de l'économie et pas de la diffusion. Hein. De l'économie, quel étudiant achète aujourd'hui un gros livre, etc. Extrêmement peu. Ça ne veut pas dire éventuellement qu'il ne lirait pas si on leur mettait sous le nez, s'il le trouvait par Google Scholar. Donc il faut bien saisir qu'on a une époque historique très particulière qu'il faut bien prendre comme bulle, y compris des abonnements. De quelle période on parle ? On parle de la multiplication des bibliothèques universitaires liées à la massification de l'enseignement supérieur aussi. Donc il y a toute une économie qui est une économie transitoire. Désolé de faire l'historien de moyen terme. Sur les livres. Alors là, c'est le moment où j'adore. Payer pour un article, mais quelle horreur ! Ah bon ? Vos laboratoires ne mettent jamais, jamais, jamais, jamais de subvention pour les livres ? Ah mais non, mais là c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? J'aimerais bien le savoir. Il s'agit bien de production de connaissances, plus ou moins validées, parce que le peer review sur les livres, c'est ultra variable. Il y a ce que j'appellerais les imprimeurs, certaines collections de l'Harmattan, par exemple, et puis il y a des gens, je peux vous dire, c'est un peu autre chose, quoi. Ayant édité aux éditions de l'HEC, je peux vous dire, c'était quand même un peu autre chose qu'un imprimeur, loin de là. On a beaucoup souffert. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, de manière interne, la France, même discipline, tout ce qui est autorisé pour les livres est interdit pour les revues, et vice-versa. Donc on a deux économies conçues complètement différemment de part et d'autre. Évidemment, l'électronisation des livres rejoint la frontière de différentes façons. Google Scholar. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google Scholar, en gros, c'est 5 personnes. C'est-à-dire l'équipe même qui est autour, c'est très peu de monde. Et ils font sans arrêt des nouveautés parce qu'ils veulent continuer à intéresser Google. Voilà. Et peut-être demain, ça va disparaître. En revanche, ce qu'a manifesté Google Scholar, ce qui est apparu en fait avec PMC en premier, c'est l'idée centrale que je dois avoir accès au livre et c'est un mouvement, pardon, au contenu et c'est un mouvement naturel. Et ça, il faut bien comprendre, c'est une véritable révolution au sens où c'était pas un besoin qui était nécessairement exprimé dans les étapes, disons, avant la fin des années 90, mais qui est devenu depuis un truc d'évidence. Moi, quand j'arrive sur Al et sur une notice, je clique tel un enfant qui croit qu'un livre c'est une tablette, et puis en fait, ça n'arrive pas. Et donc ça a créé, Google Scholar a popularisé très largement l'idée que l'accès et l'accès immédiat, disons gratuit, entre guillemets, enfin je veux dire au sens où il n'y a pas de barrière, est devenu quelque chose d'important et a servi évidemment énormément aux militants pour construire à l'inverse la barrière comme étant un obstacle véritablement à la circulation des idées, des libertés, etc. Quatrième point, la création. La création, elle est claire, alors là... pour tous ceux qui ont fait l'histoire économique, la sociologie économique, la barrière à l'entrée diminue massivement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des tas de revues électroniques qui ont été créées dans tous les sens. On parlait des mathématiciens, je viens un instant dans le point de l'écart disciplinaire. En maths, vous avez une revue avec un APC à 10 dollars ou 10 euros. Voilà, donc des coûts extrêmement faibles et l'électronique permet effectivement de faire sauter tout un tas de coûts et de barrières à l'entrée, y compris dans les pratiques. Avec néanmoins un point qui est important, c'est que du coup les pratiques d'édition des revues électroniques vont être totalement différentes, et j'y viens dans mon point CNRS. L'écart disciplinaire, donc j'ai bien montré qu'il y avait des disciplines très différentes, et il est clair que la biomédecine, la physique des hautes énergies, les mathématiques, l'économie dont j'ai parlé qui est essentielle, aujourd'hui, tous les papiers en économie, quand il y a des études faites sur des revues, il y a plus de working papers cités que d'articles parus. Donc il y a plus de papiers théoriquement non validés, que de papiers validés qui sont cités comme source, ce qui a quand même une conséquence, enfin, je veux dire, une transformation non négligeable. Donc on a en fait des pratiques disciplinaires à l'intérieur de ce que sont les SHS, etc., qui sont radicalement différentes. Le droit n'a pas été évoqué ici, le droit est l'une des rares revues, avec la psychologie, si on la considère comme une science humaine, qui fonctionne avec une partie d'économie privée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que vous avez les éditeurs de droit, les portails de droit qui fonctionnent, parce que les praticiens, toute une série d'institutions achètent véritablement, les entreprises aussi évidemment, sur du droit spécialisé. Donc là, on a une économie complètement différente, qui est vraiment assumée comme une économie payante sur le deuxième ou le troisième public. Voilà. Alors maintenant, je mets ma casquette, hop, pour dire, par rapport à ce qu'on fait au CNRS. Alors, ce qu'on peut constater, c'est... Je l'ai dit, et je ne parle pas ici pour mon voisin qui a un emploi à 75% du CNRS, donc je n'ai pas calculé le coût total, ni pour mon autre voisin qui n'a pas d'emploi du CNRS, mais on a de l'HESS. Mais beaucoup de nos revues qui ont des personnels ont hérité de ce que j'appellerais une rente pétrolière. Problématique, parce qu'en fait, en gros, ça leur a permis, notamment celles qui ont du personnel élevé, de ne pas se poser la question de la diffusion, de ne rien modifier à leur pratique, jamais, de rester extrêmement longtemps sur les places, etc. Tout un tas de choses où en fait on déléguait à d'autres acteurs et on fonctionnait comme vraiment lieu de contrôle de la production et lieu de contrôle de la production seulement. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. Et donc qu'est-ce que nous, nous promouvons de manière très simple, des normes de transparence et d'ouverture sur absolument tout. La sélection des papiers, l'ouverture des comités, le review extérieur, la manière dont les procédures de sélection ont lieu, la question des délais. Je veux dire, on veut, avec Odile, entre guillemets, imposer au revu le standard international, c'est-à-dire date d'arrivée du papier, date d'acceptation, date de publication, par exemple, ce qui nous semble évident. Donc c'est transparence, ouverture systématique, et parmi cette ouverture, évidemment, il y a la question de la diffusion. S'il y a une secrétaire de rédaction pour s'occuper de suivre... Eh bien, il y a des centaines de revues qui n'ont pas de secrétaire de rédaction, qui marchent très très bien, suivant ces standards. Ensuite, deuxième point, je crois radicalement à la fin du papier, tous les rédacteurs en chef que je reçois, je leur dis quand est-ce que vous arrêtez le papier. De manière un peu provocante, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi pour nous le papier n'est plus un enjeu ? Pas d'un point de vue économique, mais parce que notre objectif, c'est la diffusion. Les chiffres de diffusion entre l'électronique et le papier n'ont strictement rien à voir. Je veux dire, vous avez 2, 3, 4 ordres de grandeur suivant le lieu. Donc l'enjeu du papier, je peux entendre l'aspect semi-patrimonial, parce que pour moi, aujourd'hui, vu les milliards d'euros qu'on met pour conserver électroniquement et avoir tous les phénomènes de redondance, c'est mieux, les bibliothèques ça brûle aussi à un moment donné, voire c'est saccagé par des types un peu dingues, quoi. Donc on peut discuter de la patrimonialisation, mais l'enjeu c'est la diffusion. Aller dans une bibliothèque de laboratoire ou autre, et moi je fais le test, quand les gens me disent ça, j'arrive, je fais ça. Et là, j'ai un doigt noir qui sort. Donc il y a de la poussière, donc c'est pas utilisé. C'est vraiment un critère débile, ça. Ben écoutez, le jour... S'il y a de la poussière, c'est utilisé. La poussière se redépose. La poussière se redépose, c'est vrai. Sauf que quand, d'un autre côté, vous avez un accès à un article qui est de l'ordre de 50 par jour, la poussière ne se déposerait pas si on était à 50 par jour et que la revue passait son temps à sortir. Donc tant qu'on ne sort pas des mesures d'usage du papier... Toutes les bibliothèques, pour voir l'usage sur toutes les bibliothèques. Mais on est entièrement d'accord. Vous avez passé votre doigt sur des livres. Non mais évitez d'avoir des arguments simplistes. C'est pas un argument simpliste, c'est que l'air aux femmes de ménage. Voilà. C'est que d'un côté on a des usages qui sont mesurés et qui sont sans commune mesure avec 250 exemplaires. Vous divisez, vous verrez, il faudrait que la revue passe de main en main de manière absolument permanente et continue. Et donc l'enjeu, c'est celle de la diffusion électronique et des formes de diffusion électronique. Si on considère que les revues sont des lieux de diffusion, si on considère que c'est des lieux de patrimonialisation ou d'archivage pur, la question ne se pose pas ou se pose différemment. Sur les bibliothèques universitaires, évidemment, l'évolution dans un certain nombre de pays est tout à fait claire. Et on pourrait parler d'exemple de l'Allemagne, mais là encore, je discuterai en matière d'usage. Je veux dire, les usages des revues en langue allemande ou des livres en allemand sont absolument non négligeables. Et encore une fois, il faut à ce moment-là, la question c'est celle de les objectiver, on est en science. Moi, j'ai aucun problème à me dire, le papier, ça marche, si ça. Et je sais très bien qu'en histoire, par exemple, un certain nombre d'ouvrages collectifs sont des références extrêmement fortes. Mais on peut le voir en termes d'usage, en termes de citation, en termes de tout ce que vous voulez, mais à ce moment-là, il me faut une mesure. Les bibliothèques universitaires, pour moi, sont partiellement, entre guillemets, condamnées dans un espace, effectivement, de ressources limitées et d'augmentation continue du coût des ressources électroniques. Si on modifie ces paramètres-là, évidemment, on peut faire autre chose. Et la Serial Crisis de Spark des années 90 correspond, effectivement, immédiatement à la question de la diminution, ce que vous avez évoqué, la disparition aux États-Unis du modèle, en gros, des 2000 ouvrages achetés par immédiatement sur les places universitaires, c'est-à-dire ce qui a été mangé n'est pas les SHS, mais ce sont les livres. Voilà, ce qui, évidemment, est largement corrélé. Dernier point, j'ai marqué pénurie. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par pénurie ? Qu'est-ce que je voulais dire par pénurie ? Je ne sais pas. Oui, c'était le point effectivement des budgets. Donc, je voulais simplement indiquer, donc, du point de vue du CNRS, vous avez tous les critères en ligne, parce qu'on s'applique à nous-mêmes les normes de transparence et d'ouverture. Et l'idée, précisément, celui d'introduire de manière massive les normes, qui sont des normes issues des sciences documentaires, ce qu'on considère comme les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques traversent les disciplines. Et c'est ça, véritablement, qu'on soutient. Et si, évidemment, on appliquait notre modèle brut d'un seul coup en disant « vous n'avez pas 100% des critères », évidemment, il y a peu de revues qui, aujourd'hui, seraient financées. En revanche, ce qu'on voit, c'est une amélioration continue, qu'évidemment, les revues jeunes s'y mettent plus facilement enfin c'est pas à vous que je vais expliquer parce qu'ils n'ont pas 50 ans d'histoire et de trucs accumulés, de pratiques accumulées, mais l'objectif est véritablement ça, avec toujours l'idée des trois publics qu'on soutient, c'est-à-dire d'abord votre public disciplinaire, vos collègues, ceux à qui vous parlez, etc. Deuxième public, des publics, on va dire, associés, professionnels, mondes divers et variés, public académique, transdisciplinaire, etc. Et le troisième public, qui sont des publics aujourd'hui inconnus, mais qui peuvent toujours se révéler au fur et à mesure du temps. Et c'est au nom de ces trois publics, et parce que, je le répète, la chose, il s'agit à sa fois d'une chose commune et d'une chose publique, les publications ne vous appartiennent pas, elles sont liées à votre travail est payé par la puissance publique et par l'État, en tout cas si vous êtes en France, doit être rendu au public et au public des associations. Ça fait trois fois que j'entends ça dans ma carrière, le travail de la recherche n'est pas censé être caporalisé. Il y a des pays comme j'ai pas en Autriche, où je suis professeur associé à l'Institut philo de l'Université de Vienne, il est écrit en gros, hein, la recherche et l'enseignement est libre. Il faut se souvenir, et ça a été écrit à une époque pourtant particulièrement dure, c'est-à-dire celle de François Joseph, très très dure. Mais je veux dire par là, assez de ce discours caporaliste que j'ai entendu dans la bouche de François Veil, que j'ai entendu dans la bouche de Pierre-Cyril Auqueur, et que j'entends maintenant dans la bouche d'un représentant de la direction du CNRS, quand j'étais dans vos fonctions, je ne l'ai jamais employé, qui consiste à dire vous êtes fonctionnaire, garde à vous, repos. Pas et bien permettez-moi de vous dire, moi qui étais officier de l'armée française, que c'est un discours que je n'accepterai jamais. Très bien. Et si ça continue, vous aurez donc un article dans Le Monde. Je vous en prie. Dans cet esprit. Je vous en prie. Dernier point juste, absolument avant de passer la parole à Claire, parce qu'il y a quand même beaucoup de paroles masculines et peu féminines. Je vous rappellerai simplement les décrets de mémoire de 84 du rôle des enseignants-chercheurs et des chercheurs. La diffusion scientifique en fait intégralement partie. On pourrait parler de la situation, de la discordance de situation des chercheurs INRA, des chercheurs CNRS et des universitaires. Mais c'est une autre question. Alors, on peut en parler parce que vu le service qu'on fait d'enseignement à Sciences Po, je veux bien qu'on en parle. Mais je voulais enchaîner sur ça justement. Moi, j'assume quand même le terme de bénévolat en assumant une extension au sens où, en fait, on est censé travailler 35 à 39 heures par semaine selon les laboratoires. Et donc, je pense que avec l'enseignement et la recherche ou l'enseignement et l'administration ou ce que tu veux, on fait déjà bien ça. Et donc, pourquoi je mets les revues, du coup, dans les heures sup non payées plutôt qu'autre chose? Parce qu'effectivement, c'est pas ce qui est le plus compté dans les carrières. Après, on est d'accord que pour les gens dont ce n'est pas une démission, et il y en a dans les revues, c'est encore bien plus du bénévolat. Donc je fais des points très rapides, hein, du coup je ne vais pas trop prouver mes affirmations. Sur les livres, c'est une énorme surprise pour Open Edition, mais le freemium marche vraiment encore beaucoup mieux que pour les revues. Les bibliothèques achètent en masse. Enfin, donc sur les livres, on fait aussi du gratuit pour les lecteurs, et les bibliothèques, on fait aussi du freemium. Et une des explications, c'est qu'on vend vraiment les livres. C'est-à-dire qu'on ne loue pas un accès extrêmement limité avec des DRM, des formats impossibles, etc. Et en fait, c'est une très bonne surprise. Et je pense que Kern, je n'ai pas les détails, mais ça marche plutôt bien aussi, les livres. On pensait tous que ce serait plus dur que les revues, et en fait, pas du tout. Connecté au point de qu'est-ce qui va se passer avec la baisse des budgets des bibliothèques, ben nous, le freemium, on l'a commencé quand les budgets étaient déjà bien en berne, hein, puisque la première année où ça marchait un tout petit peu, c'est 2012. Et c'est en partie une demande des bibliothèques, le freemium, de façon hallucinante. Mais parce qu'il y a des bibliothécaires, s'ils ne payent pas, en fait, ils ne savent pas mettre en avant, ils ne savent pas le légitimer après leur lecteur et tout. Exactement. C'est eux qui nous ont demandé, en fait, de les faire payer un petit peu. Et donc, ça a arrangé les revues aussi. Et donc, enfin, le freemium, il marche vraiment très très bien dans un contexte de crise de budget des bibliothèques. Après, je redis, et on l'a bien vu avec le cas des cahiers d'histoire, le freemium, c'est pas un truc qui va à lui tout seul financer les revues, et c'est un truc qui ne finance pas, j'ai pas été clair là-dessus, qui ne finance pas Open Edition. En revanche, ça donne un complément de revenus aux revues qui peut notamment leur permettre, comme dans le cas des cahiers d'histoire, de passer à un accès ouvert immédiat lorsqu'elles avaient auparavant une barrière mobile sur leurs abonnements. Sur le monosyllabiquement, société, on ne l'aurait pas accepté sur Open Edition, mais on fonctionne différemment parce qu'aussi, nous, on n'a pas les éditeurs derrière à Cairn, il y a le contrôle des revues, le contrôle des éditeurs. Nous, comme on a des revues qui n'ont pas d'éditeur, on a un conseil scientifique plus actif. On ne l'aurait pas accepté, on aurait peut-être été très critiqué de ne pas l'avoir accepté. C'est des portails différents dans leur fonctionnement là-dessus. Je voulais juste redire que Academia, c'est une vraie question extrêmement importante. Guillaume en avait parlé aussi, c'est sans doute une des questions les plus importantes pour la loi numérique aujourd'hui. Donc on essaye aussi au CNRS de faire remonter des trucs, c'est comme vous, on ne sait pas à qui les faire remonter au gouvernement, mais c'est pas grave. Il me semble qu'un bout de réponse, c'est pas les bisounours, mais c'est qu'on devrait se pencher sur les questions de licence. Parce que si on fait du non-commercial ou du share-alike, Academia, ils ne peuvent pas nuire beaucoup. Mais voilà, c'est juste une idée en passant pour ceux que ces choses-là intéressent. Sur l'Allemagne, en fait, comme l'Italie, on est en train de commencer à développer Open Edition en Allemagne et en Italie. C'est compliqué d'internationaliser parce que voilà, mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de culture d'open access, mais il y a quand même certaines presses universitaires ici et là qui ont l'air d'être un petit peu partantes. Et puis, c'est mon seul point vraiment important, je voulais, parce que j'ai oublié de le dire dans mon intervention liminaire, évidemment, profiter de l'occasion de la différence cahier d'histoire et RHMC pour souligner qu'une des spécificités des SHS, alors moi, en caricaturant un peu les autres sciences, hein, mais en tout cas de l'histoire, c'est l'aspect bibliodiversité, en fait. C'est d'avoir des revues des petites, des grandes, des jeunes, des vieilles, des qui publient des articles qui sont déterminants pour faire carrière, d'autres où on sait qu'on ne va pas trouver forcément une validation scientifique gigantesque, mais simplement ce qu'on a dans PLOS ONE, en fait. C'est-à-dire, c'est quand même à peu près conforme aux standards de la discipline, il y a des faits qu'on pourra réutiliser. Et on sait tous que, y compris pour publier dans la RHMC, c'est bien d'aller lire des choses dans ces plus petites revues qui font des choses ultra factuelles, éventuellement faites par des non-professionnels, mais qui nous apportent du grain à moudre. Et là, il me semble que c'est un avantage, en fait, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, la création des méga-revues qui publient 30 000 articles par an, c'est lié au fait que dans d'autres disciplines, parfois d'ailleurs de sciences sociales, pas humaines, la hiérarchisation des revues est telle, et il faut tellement publier uniquement, par exemple, dans l'American Journal of Sociology pour faire carrière, qu'il y avait des tas de ce qu'on appelle pompeusement « lost science », des articles qui ne se trouvent pas à se publier. Et il me semble qu'on a gagné à conserver le fait qu'il faut qu'il y ait une écologie, qu'il y ait des cahiers d'histoire, la RHMC, aussi beaucoup de choses bien moins importantes en fait que les cahiers d'histoire, et qu'il y ait des modèles économiques pour tout le monde. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que le freemium, ça marche tendanciellement mieux pour certaines revues. Je suis pas sûre que ce soit uniquement une question de taille ou de lectorat, puisque en fait, nous, les revues qui gagnent le plus au freemium, elles approchent de 10 000 euros et on n'est pas en vitesse de croisière, donc elles auront plus par an à l'arrivée. C'est des revues qui sont donc plus grandes en lectorat que cahier d'histoire, mais qui sont souvent jeunes. Par exemple, Lecture, qui est une revue de compte-rendu, qui est notre revue la plus lue la dernière fois que j'ai vérifié, et quelques autres. Donc c'est pas uniquement les petites qui auraient intérêt au freemium et les grosses qui auraient intérêt à un genre de barrière mobile. C'est plus compliqué, c'est en fonction de l'histoire des revues, du type d'abonnés qu'elles ont. Et typiquement, je pense que le désabonnement, il n'est pas du qu'au numérique dans le cas de la RHMC ou des annales. Il faudrait voir qui sont les abonnés, qui c'est qui regarde en numérique. Moi, je sais que je suis abonnée à aucune revue à titre personnel pour des raisons de principe, c'est-à-dire que je ne souhaite pas payer de ma poche pour travailler. Qui est une chose qui a un peu changé avec les générations, sans doute, même si les revues que j'aime bien lire et tout ça, c'est pas du loisir pour moi. Donc je pense que la perte d'abonnements individuels qui étaient des abonnements de chercheurs peut aussi avoir ce type de raison, sachant que le pouvoir d'achat du chercheur c'est pas non plus amélioré ni la taille de son appartement depuis les années 70. Donc ça c'est peut-être des explications assez triviales qui sont pas validées, hein. Je dis ça comme ça, c'est juste une expérience personnelle, mais pour dire qu'on a effectivement plutôt l'expérience de revues qui, en passant à l'accès libre, ont gagné des abonnements papier, quand elles continuent à faire du papier. Mais je ne dis pas non plus que c'est ça pour tout le monde, j'insiste sur la diversité des situations, en concluant à répondre à l'appel lancé par Tracé en 2013 pour la transparence des coûts et des différences de fonctionnement des revues, parce qu'on raisonne chacun en fonction des 2-3 revues qu'on connaît bien. Et en fait, on a très peu d'idées de l'immense diversité des cas, des modes de financement, de travail, de tout ce qu'on veut. Merci. Guillaume, tu veux... Oui, ce sera extrêmement rapide. D'abord, sur l'affaire Tremblay de la revue Société. Moi, ce que je trouve dommage dans cette histoire, c'est qu'on n'ait plus accès à l'article en question. Ça, c'est un gros problème. Et ça rejoint le problème de l'History Manifesto. C'est-à-dire les chartes de bonne conduite, tout de même, sur la pérennité de certains formats numériques, enfin, une fois diffusés. Google Scholar, effectivement, vous avez raison, on aurait dû le signaler plus tôt. En fait, avec Academia, je pense qu'on est dans un modèle, certes, un petit peu différent, mais qui s'en approche. Je pense que les problèmes que cela pose sont assez identiques aujourd'hui. Mais précisément, ça c'est une question aussi que je vous poserai en tant qu'auteur. Dans mon domaine, il est dommage de pas pouvoir le mettre aujourd'hui sur Academia également. C'est-à-dire que c'est mal fait, c'est mal présenté. Il y a beaucoup de soucis. Mais par exemple, je crois que les annales ou la RHMC dérogent. C'est-à-dire, ils disent, bon, si vous voulez, sur votre page personnelle, vous pouvez mettre vos articles. Je ne sais pas quelles sont votre politique, ou ce n'est pas le cas. Dans ce cas, je l'enlève ce soir. Mais... Nous sommes des de la barrière mobile. Oui, voilà, mais est-ce que vous vérifiez le préprint. Mais est-ce que vous vérifiez et comment on vérifie quels sont les protocoles de vérification. Le préprint est toujours diffusable. Voilà, c'est ça. Mais bon, ce problème de se fâcher avec le rédacteur en chef peut être un problème. Et ensuite, oui, c'est la question des 15 millions d'euros qui a été évoqué ici. Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'en 2013, ce qu'on demandait aussi, c'était de chiffrer les coûts de bibliothèque. Donc on est très content de voir que c'est ça. Et effectivement, l'étape suivante, ce serait peut-être de dire, voilà, bah, nous, un numéro, c'est 5 000 euros. Donc voilà ce dont on aurait besoin pour passer à l'open access. Oui. 15 millions, c'est uniquement le CNRS. Oui, bien sûr. Non, mais la mise à plat reste à faire, je pense, simplement pour dire, s'il y a une loi numérique un jour, je pense que ça suppose tout de même une concertation. Enfin, tout le monde la veut, donc je pense que chaque revue peut le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est que le billet d'Éric Monnet avait donné lieu à des commentaires de collègues suisses ou français, d'autres revues qui disaient, bon, bah, moi j'ai à peu près j'aurais besoin d'à peu près la même somme. Ça oscillait entre 8 000 et 20 000 euros en fonction des revues. Donc c'était assez intéressant de mettre au jour ça, sachant que là on parle de revues où il n'y a pas de poste de rente pétrolière, c'est ça. Voilà. Donc non, mais je plaisante là-dessus. Mais en tout cas des postes, enfin on a l'éditeur, cela dit, hein, derrière, mais pas de secrétaire de rédaction. Mais ça c'est aussi très intéressant parce que quand on discute des formes de passage à l'open access chez Open Edition, etc., ce qu'on nous suggère, désolé de vendre la mèche, mais c'est de passer par un labo. Alors que nous, ce qui nous plaît à tracer, c'est de ne pas avoir de labo. Bref, ça nous plaît pas. Mais voilà, mais ça m'intéresse. C'est-à-dire que donc si le passage à l'open access c'est ça. Je pense que ça pose problème. En tout cas, ce que disait Anaïs de la création de la revue, etc., et ce que crée le numérique, je pense que c'est effectivement très important. Et de fait, je vous renvoie pas au premier numéro de Tracé, qui était en version papier, mais qui n'avait formellement absolument aucune, était affreux. Le passage au numérique a formalisé. C'est un peu l'effet garage, etc. Mais de fait, je crois que ce que le numérique permet en termes de formalisation, c'est vraiment une épreuve de vérité. Pour ça, je trouve que c'est très important. Et effectivement, ce que vous disiez sur l'Allemagne, c'est absolument juste. Et je pense que ça ouvre des pistes de collaboration européenne très intéressantes. Sachant que voilà, un pays comme l'Italie, par exemple, avait une espèce de portail qui s'appelle Casalini. Il est très mauvais, d'usage vraiment très, trop compliqué, absolument raté. Et donc, les revues importantes, donc des revues historiennes et historiques, comme Quaderni Storici ou la revue L'Istituto Gramsci, Rivista Storica, Studi Storici, pardon, et etc., passent désormais directement à Gestor, ce qui, à mon avis... C'est-à-dire de sortir directement, de ne pas avoir d'espace propre européen de diffusion de ces langues, je trouve ça dommage. Et donc là c'est, ça appelle, je pense, à vraiment voilà, montrer ce que l'on peut faire collectivement, etc. Bon, après, il y a des éditeurs, les Moulinos, etc., un peu plus prédateurs, peut-être. Si, c'est bon. Vas-y, Étienne. Si je m'identifiais à la revue, alors je me considérerais comme un émir pétrolier maintenant, parce que je sais que je bénéficie d'une large rente. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'identifier à ça. Fais gaffe aux révolutions arabes. Je me sens assez tranquille vis-à-vis de ça. Je voudrais dire juste un mot de ce que Claire vient de dire sur les abonnements, et puis ensuite deux remarques plus générales. Sur les abonnements et les désabonnements, Claire, tu as tout à fait raison. En réalité, je pense qu'une partie du phénomène, si on arrivait à l'analyser démographiquement, c'est que une partie des abonnés ou bien sont âgés ou bien meurent, et que non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et que d'un autre côté, les gens plus jeunes s'abonnent moins aux revues scientifiques qu'il y a 30 ans. Donc que simplement, la question c'est celle du renouvellement des pratiques de lecture. Et donc effectivement, je pense que la question n'est pas simplement celle du désabonnement au sens des gens qui lisaient la revue puis qui d'un seul coup arrêtent de la lire. À l'arrêt de la lire en papier pour la lire en électronique. Mais il y a un effet de génération qui là, pour le coup, je pense, est très fort. Les deux remarques générales. La première, c'était sur la question des bouquets que Marc évoquait tout à l'heure, mais maintenant il est parti, je veux tout de même dire un mot. Moi, je n'ai pas d'a priori contre la question du bouquet. Simplement, c'est vrai que mes propres évaluations internes me font penser que le bouquet a un certain nombre de qualités, mais pas celle de mener à un équilibre économique pour les revues qui en bénéficient, dans le cas en tout cas de revues comme les Annales. C'est ça que je peux dire aujourd'hui. En revanche, et là, je veux dissocier la question du bouquet à la question du portail. C'est-à-dire que ce que Claire a dit tout à l'heure sur la question du portail est quelque chose d'essentiel. Je pense que de ce point de vue-là, la fonction de revue.org ou la fonction de Cairn me semble beaucoup plus justifiée par sa nature de portail, c'est-à-dire d'agrégation, d'accès à des informations qui ensuite sont hiérarchisées et sont consultables, y compris dans la durée. Diffuseur. J'y reviendrai. Beaucoup plus que, disons, d'outils de rémunération des revues. C'est ça qui me semble fondamental dans ce point. Et donc, je pense que l'enjeu sur les portails, c'est la forme portail, c'est-à-dire la capacité de rendre visible et de hiérarchiser l'information. Et là, on retrouve certaines remarques de Patrick Frinançon, de Claire et de Guillaume. C'est-à-dire, derrière les vrais enjeux, c'est moins la question des revues, effectivement, que la question de la structuration de l'information en ligne, donc des moteurs de recherche, et la question des pratiques de lecture sur lesquelles on a encore pour l'instant peu d'informations. Moi, j'ai lu un certain nombre d'études récentes sur les formes de pratiques de lecture en ligne. C'est quand même un domaine dans lequel l'histoire de la lecture pénètre seulement et sur lequel il est assez difficile d'enquêter pour l'instant. Mais on peut imaginer qu'il va y avoir des choses très différentes, y compris sur le format des papiers et sur la façon dont ils vont exister. C'est-à-dire que là, on est, à mon avis, quand je disais tout à l'heure, ça ne faisait que commencer, c'est qu'on est dans un moment où on se sert de l'électronique en décalque du papier, un peu comme on s'est servi d'imprimerie en décalque des incunables. Enfin, au moment des incunables, on s'en servit en décalque du manuscrit. Enfin, on va, et les gens après nous vont inventer des choses en termes de format et de matérialité immatérielle, en l'occurrence, sans doute très, très différentes de ce qu'on va faire. Et alors, la deuxième grande remarque, c'est la question du travail, du coût, de la transparence des coûts et de ce que j'appelais tout à l'heure l'équité, mais qui est revenu de différentes façons dans le débat. Je commence par l'observation d'Anaïs, là aussi, moi je suis évidemment d'accord avec Claire, c'est-à-dire que ce que j'appelle bénévolat, je conçois que ça puisse être un peu borderline, ce que j'appelle bénévolat, dans notre cas, c'est le fait que, et je le dis avec dépit, dans notre temps de travail, je constate, après quelques années d'expérience, peut-être qu'il y a des gens qui ont des contre-exemples, que le travail de revue est compté pour à peu près rien. À peu près rien, ça veut dire, je ne connais à peu près personne qui ait eu dans sa carrière une décharge. Je parle des gens, et là je parle ne serait-ce que des revues qui ont des bases institutionnelles, parce qu'il y a ceux qui n'en ont pas, et celles qui n'en ont pas, mais... Donc je connais personne qui a eu de décharge, je connais personne qui a eu de CRCT au titre d'une revue, comment ? Il n'y en a pas plus pour la direction d'un laboratoire. Non, mais je parle, donc je pense que certaines de nos fonctions, je ne dis pas ça pour me plaindre, on a tous choisi d'être là où on est, donc moi je assume ça très bien. Simplement, quand je dis bénévolat, je veux dire que, disons que je considère comme clair qu'entre ma 50e et ma 70e heure de travail, ça devient du bénévolat. Et que de ce point de vue-là, il y a une réflexion à avoir sur la façon dont nous travaillons collectivement et la façon dont les institutions dont nous sommes aussi des acteurs par ailleurs dans des conseils scientifiques, dans des conseils de labo, à différents niveaux de responsabilité s'engagent derrière les revues. Et je finis avec ça parce que ça me semble très important. Au fond, l'économie des revues, ça coûte pas très cher par rapport à quantité d'argent engagé dans différentes activités, y compris différentes activités des SHS. C'est-à-dire quand on connaît les budgets d'une université ou quand on connaît les budgets d'un laboratoire, les revues, on parle quand même de pas grand-chose. Il y a une disproportion phénoménale entre l'aspect central des revues pour notre vie intellectuelle et son aspect marginal dans l'implication des institutions et en particulier des institutions locales. C'est-à-dire que quand je disais tout à l'heure que c'était un enjeu pour nous et qu'on était responsable, je veux dire par là que trop souvent, je pense qu'on attend, disons, des décisions publiques de façon centrale. C'est-à-dire qu'on attend que le CNRS, en tant qu'organe central, vienne aider les revues. On attend que le ministère décide un plan de financement des revues. Or, une partie de l'enjeu, alors j'entends bien que des revues souhaitent être indépendantes d'institutions, et ça me semble absolument légitime. Mais pour les revues qui dépendent de l'institution, je pense qu'une des questions, c'est aussi que nous avons à faire accepter dans les institutions universitaires le fait que travailler dans une revue, le fait que allouer des postes de secrétaire de rédaction sur des supports BIAT, le fait que financer les revues, c'est aussi une partie de la mission de diffusion scientifique. Et là, on est vraiment dans la diffusion, comme disait Didier tout à l'heure. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire, si les labos, les universités, c'est-à-dire les institutions dans lesquelles on est quand même collectivement auto-gérés et on s'auto-gère, si ces institutions-là ne considèrent pas que mettre un poste, ça peut avoir une importance pour soutenir une revue ou un pool de revues, si elles ne considèrent pas que ça a un sens d'accueillir et d'aider financièrement les revues, bah, alors là, à un moment donné, effectivement, c'est que nous-mêmes, nous sommes pris dans des injonctions contradictoires, quoi. Mais là, je crois qu'on a vraiment une responsabilité, et précisément une responsabilité en dehors de notre travail de revue. C'est-à-dire quand nous sommes sous une autre casquette, qui est celle d'élu au conseil scientifique, d'élu d'un conseil de labo ou de prof. Voilà. Mais absolument, tu as dit ça sur les communes tout à l'heure, mais on pourrait dire ça des communes, des institutions, des UMR, des... voilà. Oui, mais c'est mutualisé, c'est vrai que c'est un truc... Je vais juste dire, pour vous rendre compte du volume, CNRS, INSHS, on identifie 54 équivalents temps plein sur les revues. Donc en gros, 1 million d'euros par an. À ça s'ajoute le budget de soutien revue, c'est-à-dire 110 000 euros, mm-hmm. Plus le budget de traduction dont on pourrait parler, donc qui est lui aussi à peu près 100 000 euros annuels, plus évidemment les postes qu'on a par exemple au Cléo, donc je ne sais plus à combien on en est, je crois CNRS, 10, quelque chose comme ça, ouais. Une dizaine de postes par an, plutôt IEIR, donc les postes qui, entre guillemets, coûtent cher. Donc voilà, parce qu'on prend effectivement au sérieux la diffusion scientifique. Et pour parler du CNRS, évidemment, il faudrait rajouter les postes percés, avec d'autres institutions aussi, les postes HAL, sachant que pour le Cléo, je tiens à le dire quand même, on a d'autres tutelles universitaires qui mettent, voilà, le HESS et l'Université d'Aix-Marseille qui mettent également des postes. Mais je suis entièrement d'accord sur le fait que, voilà, mais il faut bien mesurer que ces coûts, c'est... Pour moi, la question de se réintéresser à la diffusion, c'est dire qu'effectivement, tout ça a des coûts d'informaticiens, de structures, d'infrastructures, de personnel, etc., qui sont extrêmement importants, mais il faut savoir effectivement ce qu'on veut. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que ces éléments sont valorisés ou pas? Après, ça renvoie juste, je dis, aussi à, de l'autre côté, à des organisations qui sont différentes. Les grandes associations internationales, sociétés savantes qui ont des revues, la plupart d'entre elles, dans les domaines que je connais, évidemment, c'est des postes très tournants, avec des gens élus, et ça dure 2 ans, ou ça dure 4 ans, c'est un moment dans la carrière, et c'est connu. Et c'est évidemment une situation très différente qu'on a connue en France, historiquement, dans lequel, effectivement, et c'est pas une critique, c'est juste voir qu'on a un modèle de diffusion historique dans lequel l'attachement entre les personnes est devenu très fort, et ça dure très longtemps, et c'est conçu comme un modèle normal. Mais donc, du coup, la charge n'est pas la même si on dit « je vais sur ce poste sur 2 ans, et en plus élu par les collègues avec des formes quand même assez claires de valorisation symbolique, mais en même temps où la question de la rotation est faible, et du coup l'attachement entre la personne et la revue sont des choses assez différentes, ce qui n'empêche pas d'ailleurs qu'il y ait des lignes éditoriales variables éventuellement assumées par les collègues eux-mêmes. »